une histoire particulière. Paul Éluard et sa seconde épouse Nouche ont trouvé refuge à l'hôpital de Saint-Alban pendant la Seconde Guerre mondiale. L'écrivain-poète, auteur de Liberté, poème devenu l'hymne de la résistance, est recherché. En effet, les copies du poème sont parachutées par les avions anglais en même temps que les armes et les munitions destinées aux maquis. Hélène Dely et François Test vous ont raconté hier l'histoire de l'hôpital de Saint-Alban. À l'origine, deux psychiatres engagés, Lucien Bonafé et François Toscaïès. Ces deux médecins vont transformer l'asile en lieu de refuge pour la résistance et préparent aussi une révolution psychiatrique en faisant émerger un mouvement majeur, la psychothérapie institutionnelle. Celle-ci prône un modèle de psychiatrie humaniste où il s'agit de soigner les patients, mais aussi l'hôpital. Je suis Michel Toscaïès, le dernier enfant de la famille. Bon, moi personnellement, enfant, l'hôpital était ma cour de récréation. J'arrivais de l'école, je posais le cartable et pit, je foutais le camp, jouer avec les malades. J'allais à la cantine boire un café. Il y avait madame de la rue, qui une malade qui s'occupait de la machine à café, qui me disait: ah Michel, tu veux un café? Parce que quand elle avait mis fait un café, elle pouvait me faire une repasse beaucoup moins fort, et elle m'offrait une repasse. Voilà, elle fait des choses comme ça. Et tous les soirs, il y avait des activités: danse, chorale, jeux psychomoteurs. Donc j'étais tout le temps fourré à l'hôpital. Saint-Alban, un lieu d'hospitalité. Par Hélène Dely et François Test. Aujourd'hui, une révolution psychiatrique. Tout tournait aussi autour du club, mais toute notre vie a tourné autour des malades. Je dirais même que ce sont les malades qui nous ont élevés. Moi, les cris et leur comportement excentrique et tout ça, je peux dire que ça ne m'a pas choqué. Je trouvais, en étant enfant, je trouvais un certain côté comique, et admiratif, pas comique, admiratif de la situation, parce que je trouvais que c'était des adultes qui pouvaient avoir un comportement d'enfant. Et ça, j'avoue que ça me plaisait assez, parce que les adultes, ils se prennent tous au sérieux, et là, on pouvait être en terrain équivalent, quoi. Sous l'impulsion de François Toscaïès et Lucien Bonafé, l'hôpital de Saint-Alban a fait émerger un courant majeur de l'histoire de la psychiatrie, la psychothérapie institutionnelle. L'arrivée des premiers neuroleptiques en 1953 constitue aussi une avancée pour les malades et pour les soignants. L'hôpital n'est désormais plus pensé comme un lieu d'enfermement, mais comme un lieu de soins et par là même un lieu de vie. La rue de l'Enfer qui menait à l'asile de Saint-Alban-sur-Limagnole est rebaptisée rue principale. François Toscaïès quitte Saint-Alban en 1962, mais l'hôpital est encore en pleine effervescence à cette époque. Aujourd'hui, il n'y a plus qu'une soixantaine de patients qui fréquentent Saint-Alban. L'hôpital semble comme dévitalisé, à l'image de tant d'autres hôpitaux psychiatriques en France. Mais la psychothérapie institutionnelle, elle, n'est pas morte. Elle continue d'exister ailleurs, à la clinique de la Borde, ou encore au Centre Artaud de Reims, fondé par le docteur Patrick Chemla, psychiatre et psychanalyste. Notre façon de penser la folie, de penser avec les patients, la clinique, est issue directement de ce qui a constitué ce qu'on appelait le creuset Saint-Alban, une sorte de matrice. Bon, ou pendant la guerre, donc pendant la résistance, hein, c'est pas seulement la question de la guerre, mais aussi de la résistance, donc anti-nazie, il y a une rencontre improbable, incertaine, qui tient au hasard des circonstances, entre Toscaïès, Bonafé, Choran, Balvé, un certain nombre de personnages, d'origines extrêmement diverses d'ailleurs, et c'est cette hétérogène, ces rencontres qui vont donner justement ce creuset Saint-Albanais. Et c'est ce courant finalement de la psychothérapie institutionnelle, très lié d'ailleurs à Jacques Lacan et à d'autres personnages de cette sorte, qui vont introduire la psychanalyse en France, à la fois par le biais de l'institution et puis ensuite pour Lacan, en dehors des institutions. J'ai toujours lu la théorie qu'un psychiatre, pour être bon psychiatre, François Toscaïès, il faut qu'il soit étranger ou qu'il fasse semblant d'être étranger. Par exemple, c'est une coquetterie, c'est pas une coquetterie de ma part, de parler mal le français. Il faut que la malade, même le type normal, qui me comprend pas, alors ils font un effort, certains pour comprendre, quoi. Ils sont obligés de traduire, et ils prennent une position active vis-à-vis de moi. Claude Gasque, vous avez travaillé de nombreuses années avec François Toscaïès. Quels souvenirs vous gardez de lui ? C'était un homme qui aimait ses patients. Il les aimait et il ne fallait pas les tutoyer. Il fallait pas, maintenant, ce n'est pas le cas maintenant, mais fait, à l'époque, il ne fallait pas les tutoyer. Il fallait les considérer comme des gens normaux. Il était humain. On n'en fait plus de ces médecins comme ça. Il y a plus, d'ailleurs, c'était un psychiatre, maintenant, il n'y en a plus de psychiatres. Pourquoi vous dites ça? Parce que maintenant, un psychiatre, bon, le malade arrive, on le voit à peine, on lui donne des comprimés. Voilà, il a, ah, si, voilà. Tandis que là, avec Toscaïès, il le prenait en charge, et puis, il nous expliquait comment il fallait faire pour faire la thérapie, en fait, tout ça. Être près du malade, l'écouter, et tout ça. Et ça prenait du temps, hein, d'écouter un malade quand il délire, ça prend du temps. Ils n'ont plus le temps de le faire, ça. Qu'est-ce que vous faisiez, Claude Gasque, par exemple, quand un malade était en crise ? Eh bien, si on était seul, on appelait du renfort, et on le maintenait, mais on ne mettait pas la camisole. Moi, je n'ai jamais vu mettre une camisole. Je sais qu'il y en avait, des camisoles. Quand on a fait les cours, après, plus tard, ils nous ont monté les camisoles, mais moi, je n'ai jamais vu un malade avec une camisole. On le maintenait dans une chambre, à 3 ou 4, et voilà, on attendait que la crise passe. Alors, des fois, ça, des jours entiers, à 3 ou 4 infirmiers autour de lui. Et vous parliez dans ces... Ah moments-là. Oui, on parlait. On lui demandait pourquoi il faisait ça, tout ça. Alors, on essayait de rentrer, d'avoir une conversation avec lui à ce moment-là. Et ça fonctionnait bien ? Ça fonctionnait pas mal. Ça fonctionnait autant que de comprimés. Mireille Gozzi, je voulais savoir quand est-ce qu'est née l'association culturelle des personnels de l'hôpital de Saint-Alban ? L'association culturelle est née en 1958 et l'essentiel de l'importance de l'outil était la formation, que le personnel puisse être actif dans sa formation, la prendre en compte par lui-même, sa formation professionnelle, permanente et culturelle. Disons que le personnel était celui qui était au plus proche du quotidien du patient et c'était quand même à lui de être maître d'œuvre quelque part de sa formation. Et je pense que l'influence de Gentis dans ce cadre-là a été très importante de par effectivement ses compétences en matière d'écriture et son accompagnement au plus près et son écoute au plus près de ce qui se passait entre les patients et le personnel et leur rôle au quotidien. Qu'est-ce que les méthodes développées par François Toscaïès et Lucien Bonafé et d'autres médecins qui sont passés par là, qu'est-ce qu'elles ont changé pour le travail des infirmiers, des éducateurs, des personnels ? On était obligé de travailler. On était obligé de travailler. On était obligé d'écouter les malades et après faire des rapports. Il y avait une réunion toutes les semaines au club. Enfin, le club Paul Balvé, avec les médecins et du personnel. Il y avait du personnel et il y avait des malades aussi. Et alors bon, chacun posait sa question, les médecins répondaient. Ça nous revalorisait, nous, les infirmiers. Qu'est-ce qui était valorisant ? La parole des médecins, dit là. Eh oui, parce qu'ils vous disent, ah oui, vous avez fait ça, bon, c'était bien. On était leur bras droit, disons, ils passaient par nous, en fait, ça passait par nous. Mireille Gozzi, on arrive, on est sur une esplanade, il y a des marronniers, et on arrive devant une jolie bâtisse, il y a écrit cafétéria. Voilà, là c'est le lieu du club. c'est le lieu du club. Et le club, ça a été une construction des plus importantes pour l'hôpital de Saint-Alban, hein, pour ce qui se faisait, et tout ce qui s'articulait autour était éminemment important. Donc le club, il avait un précédent du temps de Balvé encore, et il avait la salle commune. Et après-guerre, donc, il y a eu la construction de ce club, c'était en 49. Donc là, il s'est développé des ateliers coopératifs et surtout une dynamique sociale et culturelle à partir de cet espace. Bon, ils ont tout de suite construit une salle de théâtre, voilà, avec des rideaux rouges, tout ça. Bon, c'est vrai que quand... Ouais. Donc ça voit le jour au tout début des années 50, c'est ça ? Oui, tout à fait. Et ça a été fabriqué par les patients et les ouvriers de l'hôpital. Germaine Toscaïès. Dans les soins, je crois qu'il est important de dire qu'à Saint-Alban, il y a eu le trait d'union. Le journal de Saint-Alban. Le journal de l'hôpital. Je crois que ça a été l'élément le plus fort de l'hôpital. Pourquoi ? Parce que les malades pouvaient s'exprimer, le personnel pouvait s'exprimer, les médecins pouvaient s'exprimer, et il y avait beaucoup de choses qui passaient à travers ça. Il y avait une possibilité de dire les choses telles qu'ils les ressentaient, qu'ils les éprouvaient, sans que ce soit... un jugement de valeur. Voilà. Toscaïès le disait lui-même... C'est la réunion du journal a été le lieu de psychodrame le plus efficace. Le fait d'être obligé de partager sa souffrance en public, hein, et d'expliquer aux autres qu'est-ce qui lui fait mal, quoi, qu'est-ce qui l'a marqué dans sa vie de dur, de difficile. Et puis il y a le fait de le jouer. Alors de se mettre en scène, de le jouer, c'est se violenter, une fois de plus. Mais c'est se violenter, se dépasser, quoi. Parce que j'ai beaucoup entendu parler aussi des balles de l'hôpital de Saint-Alban. Oui, balles, qu'est-ce que c'était, les balles ? Les balles organisées. On prenait même des malades très difficiles, on les prenait pas de force, mais on les insistait à venir danser. C'est le personnel qui les faisait danser. Ah oui. Et ça, en quoi c'était thérapeutique ? En quoi c'était... Et puis c'est le contact. Il y a le contact. Quand on danse, maintenant on danse à 3 mètres l'un de l'autre, mais là, à l'époque, il y avait un contact. Je pense que c'était bien pour tout le monde, surtout pour les malades. Et il y avait même du personnel qui ne voulait pas trop, parce qu'ils disaient... Ils veulent nous faire danser avec celui-là, mais celui-là, il est dangereux, et tout ça. Jamais j'ai eu de bagarre. Patrick Chemla, qu'est-ce que François Toscaïès et Lucien Bonafé changent dans la manière d'aborder la folie et de traiter les patients dans l'hôpital psychiatrique ? Je crois que le primum movens, c'est au fond une certaine approche poétique de la dimension humaine de la folie. Et ça, ils le doivent au surréalisme, qui s'est tout de suite intéressé au phénomène inconscient, à l'écriture automatique, au freudisme. Et ils partagent, Bonafé et Toscaïès, cette passion de la poésie, et spontanément, une attitude, une aptitude même à se mettre sur le terrain du fou, sur le terrain du délirant. Ça, c'est quelque chose d'important, et aussi, bien sûr, la dimension politique. C'est-à-dire de percevoir que ces phénomènes de la folie, alors ils ne sont pas déduits directement de la situation politique, mais on ne peut pas les concevoir en dehors de l'émergence politique de leur survenue. Et ça, ils le partagent aussi. Donc on a cette double matrice, si on peut dire, politique, poétique, psychanalyse, qui se noue d'une manière tout à fait étonnante, et d'ailleurs très différente pour chacun des protagonistes. Patrick Chemla, qu'est-ce que ça veut dire concrètement, se mettre sur le terrain des patients ? C'est ce qui va à rebours des idées reçues. C'est-à-dire que les idées reçues, ça voudrait dire que le patient, au fond, c'est l'autre absolu, celui qui a perdu la raison, et que le psychiatre représenterait en quelque sorte la raison, la normalité. Et quelque chose là qui est toujours dans les idées préconçues de tout un chacun. Or, pour Toscaïès, pour Freud aussi d'une certaine manière, déjà, il y a l'idée qu'au fond, au cœur de l'humain, il y a un noyau de folie. Sur le terrain de la pratique, être aux côtés des patients et pas au-dessus d'eux. c'est pas de position de surplomb. Ça, c'est quelque chose, je pense, qui a été très important pour moi et pour tous ceux qui, d'une certaine manière, sont pris dans cette transmission saint-albanaise, c'est-à-dire de ne pas se prendre une position de surplomb du psychiatre aliéniste qui serait au-dessus du fou, mais une position, finalement, de commune appartenance à l'espèce humaine et que, au fond, rien de ce qui est humain ne nous est étranger, ni aux uns ni aux autres. Les malades étaient un peu comme des gens du village. C'était comme des gens du village. Tous les week-ends, j'avais un malade chez moi. Alors, il venait me dire, tu me prends demain samedi, tu me prends samedi. Je viendrai t'aider à faire le jardin, tout ça. Alors, bon, j'avais pratiquement tous les dimanches, j'avais quelqu'un à la maison. Pour manger avec nous, on ne le faisait pas pratiquement. Vous dites que François Toscaïès, il aimait les patients, mais j'ai l'impression que vous aussi, non ? Mais on était obligés d'aimer les patients. C'était tout à fait normal. C'était notre métier. C'était une écoute. On avait une écoute et il fallait vivre avec. Moi, je sais pas ceux qui sont montés là-haut, qui faisaient juste les 8 heures et s'en allaient pour aller ramasser les pommes de terre après. Il n'avait pas connu beaucoup. Vous m'avez raconté, Claude Gast, que vous avez vu les murs de l'enceinte de l'hôpital tomber. Ah oui, oui. D'ailleurs, c'était un peu à cause de Toscaïès. Il a fait tomber d'abord les barreaux des fenêtres, puis après il a fait tomber les murs, et puis on dit, les malades étaient dans Saint-Alban, ça posait aucun problème. Les gens nous appelaient, les bistrots nous disaient, vous avez un malade là, vous pouvez venir le chercher. On descendait, on allait le chercher. Maintenant, je ne sais pas, vous êtes passé là-haut, vous n'en avez pas vu. Alors, il n'y en a plus. Ils ont tous guéri. Mireille Gauzier, on visite ce lieu, on est en 2019. Moi, ce qui me frappe, il est quelle heure ? Il est 17h, c'est la fin d'après-midi. Il est très silencieux, ce lieu. Est-ce qu'il a toujours été aussi silencieux ? Ah non, ce lieu était assez bruissant de conversation, à la limite de cris, de voilà. Là, effectivement, maintenant, cet espace qui maintenant est investi en partie par un service qui s'appelle l'accueil de jour, et donc à partir de 16h15, voilà, ces locaux-là sont fermés, et de toute façon. Ça ne peut pas bruisser comme ça bruissait à l'époque, puisque dans cet hôpital, il reste à peu près 3 services d'une dizaine de personnes, plus un service de soins pour les personnes âgées, où il y a 25 personnes. Voilà. Donc, effectivement, il n'y a plus cette dynamique et cette activité qui pouvait exister quand 600 personnes, plus les personnels qui étaient beaucoup plus importants, puisqu'il y avait, les ouvriers, il y avait tout un tas de corporations qui étaient là. Donc, effectivement, on ne peut pas faire beaucoup, établir beaucoup de parallèles avec une situation antérieure. Voilà. Au fond, les gens qui vont construire la psychiatrie française dans l'après-guerre sont des gens qui sont formés à cette école de Saint-Alban. Jean Houry, Jean Tisse, Fanon, qui va former les premiers rudiments de la psychiatrie en Algérie ensuite, Choran, un certain nombre de noms comme ça, de maisons, ceux-là sont issus à la fois de Saint-Alban, mais aussi de petites sociétés qui vont se construire, Société du Gévaudan, Société de psychothérapie institutionnelle, GTPSI, c'est-à-dire le groupe de thérapie et de psychothérapie et de sociothérapie institutionnelle, tout un climat d'effervescence intellectuelle dans l'après-guerre, entre les années 45 et 60, ça s'étale sur ces quelques années-là, qui vont permettre que se transmette cette expérience avec une première génération, celle de Toscaïès, puis de Houry, et de Gentis, et ensuite d'autres qui vont venir. Et c'est par le biais de Roger Gentis, moi, par exemple, que je vais redécouvrir tout cet héritage progressivement, mais le réapproprier, en faire justement quelque chose qui m'est propre. Au départ, ça m'est tout à fait étranger. Aujourd'hui, la psychothérapie institutionnelle continue d'exister, d'évoluer, au-delà de Saint-Alban, grâce à des soignants engagés, mais aussi à des patients. À Reims, Fred est suivi au Centre Artaud depuis de nombreuses années. Il est aussi l'un des fondateurs d'UMAPSI, une association de patients suivis en psychiatrie qui s'inscrit directement dans le mouvement de la psychothérapie institutionnelle. La psychothérapie institutionnelle au sein de l'hôpital, la première différence que j'ai remarquée et que j'ai sentie, ça a été les portes ouvertes. Ça a été une salle d'accueil, qui s'appelle comme ça, salle d'accueil, où je peux aller m'asseoir, c'est-à-dire je peux sortir de ma chambre, aller m'asseoir dans une salle d'accueil. Ben, rien que ça, c'est pas rien. Dans l'autre service, c'était pas comme ça. À 8h du matin, on ouvrait la porte de ma chambre, on me sortait de la chambre, mais il n'y avait pas d'accueil. Je restais dans le couloir jusqu'à 20h, on me réouvre la chambre. Mais il y avait un couloir, il n'y avait pas de salle d'accueil. Et en général, c'est dans cette fameuse salle d'accueil que se tient le club thérapeutique. Ah bah oui, voilà, il y a ça en plus. Alors non seulement il y a cette salle qui est fréquentée par ceux qui passent par là ou ceux qui s'y arrêtent, mais en plus de ça, au sein de cette salle d'accueil, il y a une forme d'animation. C'est ce qu'on appelle l'outil club thérapeutique qui, en vérité, insuffle la vie dans cette salle d'accueil et même au-delà, bien au-delà. Le club thérapeutique, qu'est-ce que c'est ? C'est une association entre soignants et soignés, on a coutume de dire. C'est ça qui est vraiment intéressant. Il est co-construit par les gens qui prennent part à la chose. Uri avait coutume de dire que si il se sentait pas soigné au moins 5 minutes dans une journée, c'est qu'il n'avait pas été soignant. Tous ceux qui gravitent autour du patient, si ceux-là ne sont pas altérés par la relation dans un sens positif, hein, c'est-à-dire qu'ils en font quelque chose de créatif, d'une créativité qui surgit entre eux et le patient, alors je crois que le soin ne peut pas se produire. Le soin, c'est ça. Soigner la relation, c'est soigner l'ambiance. Faire que le milieu soit vivant, les rencontres, rencontre amoureuse, rencontre amicale, ouverture de l'institution à des étrangers, accueil de l'autre, artiste qui rentre dans une institution, tout ça, se saisir de la moindre occasion, y compris quelquefois une mauvaise rencontre. Il n'y a pas très longtemps, un séjour thérapeutique que nous faisions avec des patients, un patient s'est perdu. Et ça a été vraiment une grande inquiétude autour de lui. La très grande inquiétude autour de lui et la sienne, je crois qu'il l'a éprouvée pour la première fois de l'angoisse, a fait que dès le lendemain, ce patient s'est mis à être de nouveau extrêmement vivant. Le repas d'été du 12 août. L'idée était peut-être de faire un barbecue, mais il y a peut-être d'autres idées. Ah ouais, un barbecue. Sur des grillades. Oh, barbecue. Et vous savez, pendant cette période, des potes saucisses. Et puis quoi? Vous voulez manger que des patates? Et des salades, non? Ah, on mange ça toute l'année, ça ne change pas comme ça. Quoi donc? Des patates. Bon, on verra d'ici là. Qui c'est qui a envie de s'y coller? Déjà. Donc on a un certain nombre. Bon, alors à ce moment-là, on verra ça. Et puis donc, on va acheter la viande ensemble. Et puis, on prépare deux jours avant, peut-être des achats. Bon, ben c'est bien. En quoi s'occuper de la vie quotidienne, c'est thérapeutique? Bah, c'est très difficile à définir. Disons que ceux qui sont dans le désir de faire, peuvent faire. Et quand on n'a pas envie de faire, et même qu'on a envie de rien faire, de voir les autres faire, c'est super. C'est vraiment, c'est le top, quoi. Je veux dire, il y a des gens qui pensent à des choses, ils les mettent en place, ils les mettent en œuvre, et nous, on les regarde, soit on adhère, soit non. Eh ben, quand même, moi, ce que je vois dans la salle d'accueil, et même ce que j'ai vu quand j'étais à l'hôpital en intra-hospitalier, c'est qu'à un moment, eh ben, on se met à faire aussi, quoi, avec eux. Parce que soit parce qu'on en a envie ou soit parce que nous-mêmes on a une proposition à faire, elle est validée et elle se met en œuvre. Et ben là, on est bien obligé de faire. Donc voilà, le collectif à l'œuvre, c'est une machine qui est en plus infernale parce que il y a toujours quelqu'un qui a envie de faire. Il n'y a pas un moment où personne n'a envie de rien faire. Il y a toujours quelqu'un qui a quelque chose à faire ou à dire. Et donc c'est discuté de manière collective. Il se passe des choses et à partir du moment où il se passe des choses, c'est la vie, quoi. Thank you. Patrick Chemla, vous dirigez, vous êtes le fondateur du Centre Artaud à Reims, un hôpital de jour qui s'inscrit très directement dans ce mouvement de la psychothérapie institutionnelle. Qu'est-ce qu'il reste de l'esprit de Saint-Alban dans vos pratiques quotidiennes au sein du Centre Artaud ? Je dirais qu'il reste pratiquement tout. C'est l'essentiel de la méthode, pas de telle ou telle technique. Mais au fond, l'idée de club thérapeutique avec les patients, de se mettre sur un pied d'égalité avec les patients pour travailler la vie quotidienne. Cette idée-là, elle a démarré dès 1980 pour nous la continuons, nous la poursuivons. Il y a même maintenant un regroupement national des clubs qui s'appelle Le Truc. Alors, il y a aussi un aspect politique à cette affaire. C'est-à-dire que Toscaïès, il voyait également, d'entrée de jeu, quelque chose de la matrice marxiste. C'est-à-dire que pour lui, c'était comme une la taupe qui creuse un souterrain sous l'institution. Il voyait le côté, comme dit Marx, il y a cette métaphore chez Marx, bien creusée vieille taupe. C'est-à-dire, au fond, il y a quelque chose, et c'est ça la transmission, quelque chose qui paraît mort, parce que c'est enfoui. Mais ça circule par en dessous, et ça ressurgit là où on ne l'attendait pas. Et je pense que c'est ce qu'on peut espérer de mieux pour la psychothérapie institutionnelle aujourd'hui. C'est-à-dire que pas forcément dans les anciennes formes, mais comme surgissement, là où on ne l'attendait pas, que la taupe ressurgisse en quelque sorte. Hein. Voilà. Marie Bonafé. Saint-Alban vit encore, il y a des nouveaux Saint-Alban. Je voudrais parler un petit peu de ça. Actuellement, il y a une grande réforme projetée de la psychiatrie. J'ai envie de m'adresser à Agnès Buzyn pour lui dire que c'est tout à fait important de protéger ces nouvelles expériences qui durent encore. Dans le monde entier, on a regardé l'expérience française, puis la psychiatrie de secteur, pour modifier la psychiatrie. Ce qui est né là, cette rencontre étonnante entre la clandestinité, la résistance, une compétence, c'était des très grands cliniciens, Toscaïès et Bonafé. Donc moi j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est joli, Agnès Buzyn a parlé des potentiels soignants de la population de Lucien Bonafé, mais ça n'existe qu'avec une compétence très importante des personnels. Pour révéler ces potentiels soignants de la population, il faut des infirmiers, des médecins, des psychologues très bien formés pendant des années et tout le temps. La psychiatrie institutionnelle, c'est ça. Ce sont des réunions dans le service, on se forme tout le temps à propos de la connaissance des malades. Et je pense que préserver actuellement, ne pas mettre au moule des services comme Chemla, Reims, comme à Purpan, comme à Asnières, comme dans le 93, où il y a des expériences qui sont des points de mire dans le monde. Ça continue. C'était Saint-Alban, un lieu d'hospitalité. Avec Marie Bonafé, Germaine et Michel Toscaïès, Patrick Chemla, Fred, Mireille Gauzy et Claude Gasque. Extrait du film « Les heures heureuses » de Martine Derr et du film de François Pin, Jean-Claude Polac et Daniel Sivadon, François Toscaïès, Une politique de la folie. Merci à Gérard Olive, à l'ensemble des patients et soignants du centre Antonin Artaud de Reims, à Claire Sarty, Jacques Toscaïès, Claude Clavry, Nicolas Contant et Sophie Legrain des éditions Dune. Coordination, Christine Bernard, un documentaire d'Hélène Delis et François Test. Une histoire particulière, c'est fini. Je vous retrouve samedi prochain à 13h30 pour vous parler d'Andy Warhol. Mais c'est une autre histoire.